le vent sous ta porte, souvent tu m'emportes. Au vent, je reviens, attends, tu t'emportes si bien comme avant. Ma voix peine à trouver les mots, perdus dans les gouffres amers de mes pensées, et je me perds dans tes yeux qui coulent à flots. Moi, mes yeux pleurent de froid, un peu comme a dit l'autre. Et c'est encore devant ta porte que mes sens tombent en émoi. Autant on emporte le vent sous ta porte, souvent tu m'emportes. Au vent, je reviens, attends, tu t'emportes si bien comme avant. Je ne souhaite que le bonheur de celle qui rit, elle, de mon malheur. Et mon rime, elle, se fait la belle et comme toujours tremble de peur. Je tue le temps comme un enfant, je bois le vin trop bu d'avance. De l'amertume qui nous consume, s'échappe une douce saveur rance. Autant on emporte le vent sous ta porte, souvent tu m'emportes. Au vent, je reviens, attends, tu t'emportes si bien comme avant. Ma voix plaide à demi-mot, vaincue en regardant la mer. Plus j'y pense et plus je m'y perds pour quelques bateaux sur l'eau. Toi, le restant indiffère, un peu comme a dit l'autre. Je m'efface et tu fais la belle, ce temps n'était pas le nôtre. Autant on emporte le vent sous ta porte, souvent tu m'emportes. Au vent, je reviens, attends, tu t'emportes si bien comme avant. Doux chant du soleil, le vent, tu l'entends touchant doucement. Tu mens si souvent, comment à présent t'aimer ?